À l'intérieur.

to hustle. Yo, la fin du monde c'est maintenant. We all stuck in a time machine. J'sais pas de quoi j'parle, j'attends juste que le printemps l'écrive. Mauvais poème dans mon cahier, j'ai m'arraché les sources. La belle fesse de baby with pages of history books. Mais pas le temps de s'alarmer, les premiers seront les derniers. Demande si j'peux en rire entre deux meurtres. Je réponds hell yeah, apocalypse might as well go on. D'ici là j'rock tout mon sang rouge, corps et âme. Et même si la route est longue, et même assis sur une bombe, avant de dormir dans une tombe, on veut prévenir la mort du monde. La mort du monde, on peut la prévenir, mais tu nos parents te dirigent sur le bon chemin. Tiens ta tête au dehors, l'avenir est à nous, mec. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Notre planète, le faux poète, une cagoule. Moi, c'est school, puis je la rap de Québec à Kaboul. Kaboul, le sang coule sur les turbans, puis les gars qui pêchent pour l'ONU. Un obus comme un flocon quand il neige. Nos enfants nous prêtent un monde un peu trop schizo. L'énergie qui nous pousse, c'est la même qui nous à s'ouvrir les œillères, s'unir contre un même rival. La poignée d'hommes d'affaires qui décident combien on vivale. J'ai tout droit, puis à celles et ceux qui méritent des milites pour leurs fils et fils. Les cœurs d'élite, les tons se resserrent. Madame Nature agonise, oublie les tons sincères. C'est sur ce qu'on aime qu'on mise. Et même si la route est longue, et même assis sur une pompe, avant de dormir dans une tombe, on veut prévenir la mort du monde. La mort du monde, on peut la prévenir, mais tu nos parents te dirigent sur le bon chemin. Tiens ta tête haute.

God, my people can. My people

Thank you.

Restez là, retour, il y a plus de Black Diamond B. Et on découvre Wildlife dans le poste d'écoute au 89.1 FM. Just like me.